Dans les objectifs de HARP, ce serait de générer un bouclier protecteur contre les missiles et les avions ennemis et empêcher toute communication en radio et satellite dans un périmètre donné. Ils s'en servent aussi pour communiquer avec les sous-marins en plongée, scanner le sous-sol de la Terre, et aussi transmettre, donc, selon la technique de Tesla, beaucoup d'énergie à l'autre bout du globe sans aucun câble. On comprend maintenant, à quoi sert le barium, c'est-à-dire que le barium, ça, en faisant une couverture d'ondes, permet à ce qu'il n'y ait pas de trou quelque part sur Terre, puisque le barium permet aux ondes d'être conduite entre les différents systèmes. Il y a HARP, mais il y a Pine Gap en Australie, il y a Munos en Sicile, enfin, il y a des installations d'un autre monde, il faut aller voir, quoi, les antennes qui sont en train d'installer partout. Il y a apparemment une en France. Hein? Il y a apparemment une en France. J'ai pas trouvé de preuve de ça. Ben, j'attends aussi Ah encore de oui. vérifier, mais apparemment. Il y a aussi bien pire, c'est que HARP serait capable d'influencer le comportement humain, puisqu'il est la fréquence de HARP joue dans le même registre que celle du cerveau humain. Donc HARP, en fait, le principe, c'est qu'ils envoient dans l'ionosphère des faisceaux d'ondes haute fréquence qui atteignent 1,7 milliard de kilowatts. Et en fait, l'ionosphère est située entre 85 et 600 km au-dessus de nos têtes, et ça sert à réfléchir les ondes. Donc, en fait, non seulement c'est vital pour nous avec avec le fait que ça filtre les UVB, ça nous protège des UVB, mais quand ils bombardent une zone comme ça de l'ionosphère avec des rayons de cette puissance-là, ça crée un miroir qui agit comme une antenne. Et en redescendant, ça pénètre les sols, les océans, nos corps en même temps. Et ça revient en basse, ça renvoie des basses fréquences sur la Terre. En fait, c'est comme si on était pris dans un gigantesque four à micro-ondes, quoi. C'est sympa, non? Évidemment, la technologie de HARP, quand on lit, enfin, quand on lit comment est fait HARP et la patente, ça peut provoquer des tremblements de terre, des explosions aussi puissantes que les bombes atomiques. Donc évidemment, ça crée des trous, comme je l'ai dit, dans l'ionosphère. Alors personne n'a aucune idée de la façon dont on peut les réparer, ni si les trous peuvent s'agrandir. Il n'y a aucune étude absolument là-dessus. Donc le réchauffement, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, ce qu'ils font dans l'ionosphère, ça, on en est sûr, et ça, c'est grave. Je parlais de Rosalie Bertell tout à l'heure. Rosalie Bertell, elle est morte l'année dernière, mais c'est une immense chercheuse, c'était la conseillère de Carter. C'est aussi elle qui a dirigé les commissions sur la tragédie de Bhopal, sur Tchernobyl, sur enfin toutes les grandes catastrophes, c'est elle qui était en charge des commissions. Et elle dit vraiment très clairement que ce sont les militaires qui ont détérioré le climat et la couche d'ozone, et je pense qu'elle a totalement raison. Il y a aussi Nick Begich, qui est le premier spécialiste de HARP, qui assure que les ondes basses fréquences qui nous reviennent de HARP permettent d'influencer les facultés mentales des individus. Et il cite comme exemple pendant la guerre d'Irak, où il y a eu à un moment donné, il y a eu une ou deux endroits sur le terrain où les soldats se sont rendus sans se battre. Donc il dit qu'en fait, c'est parce qu'ils étaient soumis à certaines radiations qui faisaient qu'ils devenaient dociles. Il est évident que les civils, on peut y avoir droit n'importe quand on fait un truc qui ne leur plaît pas. Il y a Barry Trower, un monsieur qui s'appelle Barry Trower, qui est un spécialiste des radars dans l'armée anglaise. Il y a plein de vidéos sur lui, sur le net. Je vous invite vraiment à aller les regarder parce que ça change la vie. Lui, il révèle, en fait, c'est un monsieur qui était spécialiste des radars dans l'armée anglaise, mais qui a passé après des années à débriefer pour la CIA tous les espions qu'ils arrivaient à recruter ou à arrêter dans le monde entier pour savoir quel était l'état de connaissance de tous ces gens-là, à peu près du monde entier. Donc, c'est probablement la personne au monde qui s'y connaît le plus sur les ondes. Il nous dit qu'en fait, ils peuvent agir soit sur un rassemblement de gens, par exemple une foule d'un millier de personnes dans une manifestation, mais aussi ils peuvent suivre avec un rayonnement infrarouge, mais aussi suivre juste un organe d'un individu bien ciblé. Et que En fait, parce que le corps humain, on a une fréquence particulière, chacun de nous a une fréquence particulière, de la même façon qu'on a des empreintes digitales particulières, un ADN particulier, c'est pareil pour notre fréquence. Ils peuvent aussi nous suivre par les implants, évidemment, dont le plus terrifiant, c'est quand même qu'ils puissent interférer avec notre conscience et court-circuiter notre volonté et notre liberté. Donc, c'est pour ça que quand on me dit est-ce que vous êtes optimiste, pas trop, parce que je me dis qu'avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, si on ne se réveille pas très très vite, entre les vaccins qui rendent autistes, entre les ondes qui peuvent influer sur notre mental, il y a plein de trucs qui sont graves, quoi. Harpe émet en continu, donc sur une fréquence de 3,39, qui est dans le spectre d'ondes des fréquences du cerveau humain. Et une exposition chronique provoque les ruptures des brins d'ADN des cellules humaines. Si on se réfère aux travaux de Beljanski, par exemple, qui parlait comment se créer un cancer à l'intérieur du corps humain, il expliquait très bien qu'en fait, on nous dit par exemple que telle pollution, c'est pas important parce que c'est minime, donc ça ne peut pas nous affecter. Sauf que Beljanski expliquait bien que chaque détérioration de l'ADN s'ajoute et que c'est ça aussi à la sortie qui peut provoquer des cancers. Il y a aussi les travaux de Montagnier sur la mémoire de l'eau, il a repris les travaux de Benveniste, et qui montrent que les basses fréquences du bruit électromagnétique ambiant déclenche l'émission d'ondes de basse fréquence par l'ADN des virus et les bactéries présentes dans le corps qui sont jusque-là à l'état latent. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes, les micro-ondes, réveillent les virus. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu les expériences qu'il a faites avec avec l'eau, quoi, dans des récipients, où il met une bactérie dans de l'eau et ensuite il enlève la bactérie. Il filtre jusqu'à ce que ce soit que l'eau soit complètement stérile, pure. Et ensuite, il remet ce flacon stérile et d'autres flacons stériles, d'eau stérile à côté, et il balance des micro-ondes. Et à ce moment-là, la bactérie non seulement se reconstitue, mais en plus, elle se reconstitue dans les verres qui sont à côté. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il dit en rigolant que le téléphone mobile a été inventé bien avant ce qu'on connaît maintenant. Comme on est exposé à des ondes de partout, avec les antennes relais, etc., sans savoir vraiment, on peut s'imaginer ce que ça fait sur le corps humain. D'ailleurs, il y a d'autres savants, dont un néerlandais, qui a regardé comment s'éveiller justement le virus de Lyme, par exemple, la maladie de Lyme, et comment avec l'exposition au micro-ondes, tous ces virus se réveillaient. Il y a des gens qui ont l'esprit mal tourné aussi, qui ont expliqué que les virus ne sont ni morts ni vivants. En fait, ils vivent sur un hôte. Donc, il suffit de mettre un virus dans une bactérie dormante, d'aller la répandre à l'endroit du globe où vous voulez faire quelque chose, et ensuite de revenir au cours d'un voyage, et puis après de revenir chez vous. Et quand vous avez envie d'embêter le coin sur lequel vous avez laissé la bactérie, vous envoyez un petit rayon par harpe ou par un satellite et ça réveille la bactérie et ça crée un truc d'un autre monde dans le pays et personne, il n'y a aucune relation de cause à effet sur le moment, quoi. Barry Trower est aussi parti en guerre contre le Wi-Fi. Il dit même que c'est la thalidomide de notre siècle et que quiconque installe le Wi-Fi dans une école devrait être enfermé à vie. Il n'est pas digne de fouler le sol de cette planète. Et d'ailleurs, on a vu il n'y a pas très longtemps, il y a eu une enquête du New York Times qui est allée, la journaliste est allée interviewer, je suppose que vous l'avez vu, tous les savants de Silicon Valley, dont plein, enfin, qui travaillent dans les nouvelles technologies. Et pour leur demander si leurs enfants avaient accès à ce genre de technologie, ils ont tous dit: ah non, non, non, parce que nous, on sait ce que ça fait. Il y en a même qui ont expliqué qu'ils mettaient leurs enfants dans des écoles spéciales où ils avaient des craies, des tableaux et tous les livres qu'ils voulaient, mais surtout pas. Corroborer ce que vous dites concernant le wifi notamment. Ah oui. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'ils en mettent dans toutes les écoles maternelles. C'est interdit, la loi Veil de février Oui. interdit, Oui. ça doit être coupé jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors, à 3 ans et 1 mois, tant pis. Jusqu'à 3 ans, c'est interdit, ça refuse les directives européennes. Et donc, c'est applicable. La loi est passée au forceps. Oui. Oui, mais elle n'est pas applicable du tout. Parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut. Enfin, c'est sournois, hein, parce qu'en même temps, le gouvernement dit qu'il faut que les enfants soient le plus tôt possible et dans les mains les nouvelles technologies pour pas prendre de retard pour plus tard, etc. Mais les trois quarts des écoles, ils ne sont pas équipés pour avoir des ordinateurs branchés, etc. Ils sont même pas au courant. Le texte de loi dit Oui, pas le de texte, wifi, oui. pas de wifi, Enfin, 3 ans et 1 mois. Oui, alors moi j'avais le témoignage d'une fille, Martine qui est là, le sait, puisque, enfin, ou c'est Martine, Irène, je sais plus, qui m'avait mis un rapport, c'est vous? Mélanie qui m'a envoyé son témoignage, où c'est vrai qu'ils disent, il y a des gens qui disent qu'ils sont ciblés, d'autres qui disent qu'ils sont pucés, c'est très difficile. Si vous permettez, parce que les questions sont pas audibles, on va attendre les. Donc un enfant, d'après ce que dit Barry Trower, un enfant qui passe une communication de 2 minutes sur un portable a ses ondes cérébrales modifiées pendant 2 heures. Donc eux, tous ces gens-là, non, leurs enfants n'ont pas le droit d'avoir des tablettes ou etc. En tout cas. Un peu le week-end, des fois 1 heure le week-end, jamais les veilles d'école, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'ils expliquent. Et Barry Trower explique aussi que, par exemple, une femme enceinte qui a une tablette sur les genoux, par exemple, pendant des heures, et qui, pendant les 100 premiers jours de la grossesse, c'est le moment où se forment à l'intérieur du corps de la femme, du fœtus, les 400 000 ovocytes qui vont être le capital génétique du bébé femelle, si elle attend. Si elle attend une fille, et que ça irradie totalement les ovocytes. Et lui dit que, il dit, vous condamnez la lignée génétique de chaque enfant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lignée féminine dans la famille. C'est quand même pas rien. On sait aussi que la reproduction des chaînes d'ADN se fait par division cellulaire, donc il est bien évident que si on met un élément perturbateur comme les champs électromagnétiques, on obtient des anomalies génétiques, probablement. Les études montrent, ben Robin Destoie, j'ai lu aussi tout ce que vous écriviez, les utilisateurs intensifs de GMS ont 240% de risque en plus d'être atteints de tumeurs malignes. Moi, j'étais dans la musique avant, du coup, j'ai réalisé qu'en fait, les premières personnes que j'ai vues mourir de tumeurs au cerveau il y a 10 ans, c'était les attachés de presse. Parce qu'à l'époque, c'était les premières à avoir les téléphones mobiles et les avoir vissés à l'oreille toute la journée, pour la bonne raison que quand ils étaient par exemple chez Drucker, pour un artiste, ils ne pouvaient rien faire pendant 8 heures en attendant que l'émission se fasse. Ils ne pouvaient pas travailler pour un autre artiste. Du jour où ils ont eu un téléphone mobile, ils pouvaient, le temps qu'ils attendaient chez Drucker, téléphoner chez Sabatier pour essayer d'avoir une autre émission de télé, etc. Donc, et eux, mon attaché de presse de l'époque est morte d'une tumeur au cerveau. Il y a très longtemps. Et il y en a plein comme ça, quoi. Barry Trower explique aussi que les antennes relais, les smart meters, provoquent la mort subite des nourrissons, parce que les nourrissons ne transpirent pas et donc ils meurent par surchauffe, en fait. Quand on voit que le gadget qu'on offre à toute maman qui vient d'accoucher, c'est le truc de surveillance qu'on met dans la chambre des enfants en Wi-Fi. Voilà. L'autre volet qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Terre a sa fréquence propre, qu'on n'entend pas, mais qu'on appelle la résistance de Schumann. Tout ce qui est vivant sur Terre est accordé à cette fréquence de 7,83. Et beaucoup d'études ont montré qu'elle était essentielle pour notre santé physique et psychologique. La NASA le sait depuis longtemps parce que quand ils ont envoyé les premiers astronautes dans l'atmosphère, les mecs revenaient hyper malades. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était parce qu'ils n'étaient plus connectés à la résonance de Schumann. Et ils ont mis un truc dans les prochaines capsules qui s'appelait le simulateur de Schumann ou un truc comme ça. Et à partir du moment où ils ont été de nouveau en contact avec la résonance de Schumann, ils n'ont plus ces symptômes. Donc il est bien évident que la résonance de Schumann, elle se situe entre nous et l'ionosphère. Donc il est bien évident que tout ce qui va changer les dimensions ou les paramètres de cet endroit où se situe la résonance de Schumann influe sur nous et qu'on ne sait absolument pas quelle menace ça peut avoir sur l'espèce humaine. Alors, on est donc obligé de constater que tout ce qu'ils font, c'est pour abîmer la vie, que ce soit pour détruire la création et nous mettre en danger, parce qu'ils n'étaient pas obligés de choisir les OGM, ils n'étaient pas obligés de choisir les micro-ondes, ils n'étaient pas obligés de choisir les vaccins qu'ils nous font et ce qu'on met dans les vaccins. Donc, clairement, je veux dire, il y a une volonté de nous rendre malades, stériles et mutants. Ils s'en cachent pas d'ailleurs, mais je crois que c'est un peu, enfin moi en tout cas, c'est un peu comme quand on vit avec un manipulateur pervers, quoi. Il y a un moment où on veut pas entendre parce que c'est trop compliqué et qu'on préfère ignorer. On se dit bon, mais en fait si ils le disent, ils disent ce qu'ils veulent, c'est parce qu'on veut pas écouter, quoi. Ils veulent vraiment, quand on regarde justement Guidestones et tous leurs écrits, on se rend compte que ils veulent vraiment stériliser, enfin éradiquer les deux tiers de l'humanité et rendre les survivants stériles. Alors, il y a des campagnes de vaccination où on sait qu'il y a des stérilisants dans les vaccins. Et puis, il y a aussi les écrits ou les paroles de plein de gens qui sont quand même si on veut se boucher les oreilles, il faut quand même les entendre à un moment donné. Parce que c'est vrai que ça paraît tellement énorme qu'on se dit... Moi, au début, je me disais, c'est pour l'argent. Après, je me suis dit, ça suffit pas, c'est l'argent et le pouvoir. Mais il y a un moment où on se dit, ça suffit pas non plus. Donc, par exemple, il y a John Paul Holdren, qui est le conseiller scientifique de Barack Obama, qui a écrit « Un programme de stérilisation des femmes après leur deuxième ou troisième enfant. La capsule pourrait être implantée à la puberté et être amovible avec une permission officielle pour un nombre limité de naissances. » Ça, c'est rien. Ted Turner, tout le monde le connaît à peu près, qui est le fondateur et le patron de CNN. Une population mondiale totale comprise entre 250 et 300 millions de personnes, soit une baisse de 95% par rapport au niveau actuel, serait idéale. Lui, il a 5 enfants, par contre. David Brower, qui est le premier directeur exécutif du Sierra Club. La grossesse devrait être un crime punissable contre la société, à moins que les parents aient une licence du gouvernement. Tous les parents potentiels devraient être tenus d'utiliser des contraceptifs chimiques et des antidotes seraient donnés par le gouvernement aux citoyens choisis pour procréer. Il y a aussi Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial, si j'avais su ça à l'époque. La chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille peut faire pour un de ses enfants est de le tuer. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, hein. C'est parce qu'on ne veut pas. Après, il y a deux savants aussi très intéressants de l'université de Melbourne, Alberto Giubilini et Francesca Minerva, dans un article publié dans le Journal of Medical Ethics, pas n'importe quoi. Nous croyons que lorsque des situations similaires à celles justifiant l'avortement se produisent après la naissance, on devrait être autorisé à ce que nous appelons l'avortement postnatal. Donc, dire que le meurtre d'un nouveau-né peut être éthiquement acceptable dans les circonstances telles que celles d'un avortement. Ces circonstances comprennent, outre les handicaps, les cas où le nouveau-né a le potentiel d'avoir une vie décente, mais le bien-être de la famille est en danger. Alors elle est incroyable parce que, évidemment, elle a reçu des menaces de mort et tout du monde entier, et elle comprend pas, et elle dit « je comprends pas », avec un grand sourire, « je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont après moi », parce que c'était un document qui devait rester juste entre scientifiques. Alors, il y a aussi une volonté qui est évidente de nous arracher tout ce qui nous reste d'humain. D'ailleurs, il y a des écrits de Vincent Peillon, enfin de gens qui veulent enlever tous les repères, les déterminismes familial, social. Je pense qu'ils veulent prendre le contrôle de la reproduction humaine, comme ils l'ont fait pour les semences et comme ils l'ont fait pour la reproduction animale. Et d'un autre côté, on fait d'un côté rendre les gens stériles et éradiquer un peu tout ce qui reste après qu'ils aient bien fait croquer les labos, et d'un autre côté fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. D'ailleurs, on le voit parce que toute la recherche, tout l'argent de beaucoup d'organismes dans la recherche génétique va pas à simplifier la vie ou à trouver des parades ou des médicaments contre les gens qui ont vraiment des gros problèmes de santé ou des maladies orphelines. Ça va surtout à la manipulation génétique. On vient d'entendre, ils ont trouvé des nouveaux spermatozoïdes, vous avez entendu. C'est-à-dire que d'un côté, les pesticides rendent les mecs infertiles, les ondes rendent les femmes stériles, mais on va fabriquer l'utérus artificiel, les spermatozoïdes artificiels, enfin, on va tout nous vendre. Aldous Huxley, d'ailleurs, disait à l'époque, il me semble parfaitement plausible qu'il y ait dans une ou deux générations une méthode pharmacologique pour que les gens aiment leur servitude et produisant une sorte de camp de concentration pour des sociétés entières, afin que les gens privés de liberté aiment ça, parce qu'ils auront perdu tout désir de se révolter par la propagande, le lavage de cerveau provoqué par des méthodes pharmacologiques. Mais c'est pas tout. Vous comprenez pourquoi ça m'a pris du temps. Le rêve de ces branques, c'est aussi de voir l'homme et la machine fusionner, c'est le transhumanisme. On fait que l'ordinateur puisse télécharger les cerveaux et les cerveaux les programmes ordinateurs. Alors ils disent que c'est pour être plus performant, pour qu'on puisse se réparer tout seul si on a une cellule du foie qui ne marche pas, hop, on appuie sur un bouton et l'ordinateur en nous répare, etc. Il y en a même qui pensent atteindre l'immortalité ou en tout cas vivre 200 ou 300 ans. Là aussi, je vous invite à aller voir un monsieur qui s'appelle Kurzweil. C'est l'autre Barjo, il faut voir sa tête, quoi. Il y a le premier qui fait les épandages, David Keith, et lui, qui croit. Alors lui, il croit dur comme fer. Lui, c'est pas un escroc. Il croit dur comme fer que l'avenir du monde, c'est d'être branché sur un ordi et d'avoir un ordi connecté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si nous ont fait passer la théorie du genre et des trucs comme ça, c'est-à-dire que les humains à ce moment-là ne se reproduiront plus, seront pas distraits parce qu'ils sont amoureux, seront plus performants dans leur boulot puisqu'ils seront fabriqués exactement avec les gènes qu'il faut pour tel et tel truc. En fait, c'est le meilleur des mondes, hein, mais c'est c'était pas un roman de science-fiction, c'est Pierre Hillard qui m'a appris ça il y a quelque temps. En fait, la question, c'est qu'on se dit, quelqu'un qui est connecté 18 heures par jour à un computer, effectivement, qu'est-ce qui va lui rester d'humain, quoi ? Qu'est-ce qu'il va avoir comme empathie pour ses voisins ? Enfin, leur but, je pense, c'est effectivement d'avoir d'un côté les élites, un petit noyau d'élite, et les autres qui sont des esclaves performants. Et tout se tient parce qu'en fait, effectivement, ils travaillent sur les utérus artificiels. Ils veulent, pour leur indépendance, effectivement, après tout ce qu'on a dit, que la reproduction sorte du ventre de la mère. Ils veulent pouvoir contrôler la reproduction dans un utérus, etc. Il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent sur le net où on voit des femmes qui se sont fait avoir par ce genre de truc, c'est-à-dire des cliniques américaines qui regardaient par exemple sur Facebook les femmes qui parlaient de leurs difficultés d'être enceintes, etc., et qui les recrutaient en leur disant « mais nous, on a les plus grands, enfin, les derniers équipements, et si votre bébé peut être sauvé, il faut venir chez nous ». Et en fait, au bout de 2 mois, on leur enlève le bébé, on le met dans un utérus artificiel. Évidemment, le bébé meurt. Et donc, ils sont en pleine expérimentation de ce genre de truc. Et après, ils sont aussi en train de changer notre ADN, on l'a vu, d'introduire en nous des matériaux artificiels qui sont capables de prendre la place. Alors, je ne peux pas tout mettre dans une conférence, mais vraiment, il faut regarder. Ils sont vraiment en train de... On trouve des traces d'ARN artificiel, d'ADN artificiel, à l'intérieur des biopsies des gens dont je parlais tout à l'heure. D'où, quand j'ai dit tout au début de la conférence que le premier mec qui avait parlé des chemtrails, qui s'appelait Cliff Carnicom, disait qu'il avait trouvé des cellules sanguines humaines et tout le monde s'est foutu de lui, mais en fait, il y a des chances qu'il ait eu raison. Donc en fait, ils veulent que la Terre soit peuplée d'espèces qui sont fabriquées par quelques cartels et avoir le monopole de la reproduction, comme ils ont, puisque en fait la biologie devient contrôlée par la technologie. C'est le pari de Google, il faut le savoir, parce que pour nous tous, jusqu'à ce qu'on soit au courant, Google c'est une entreprise qui permet de mettre les gens en relation, d'avoir les informations sur tout ce qu'on peut bien vouloir chercher sur le net. En fait, le fameux Kurzweil dont je parlais vient d'être recruté par Google. Et c'est lui qui est à la tête de tous les savants qui sont chez Google. Il faut savoir que Google vient de racheter toutes les sociétés qui ont trait au transhumanisme, à la recherche génétique. Ils ont le quasi-monopole de l'embryologie par génie génétique. Juste pour vous faire pour vous en laisser un petit pour la route, les dernières recherches génétiques vont pas au progrès, comme je disais, sur les maladies. Ils sont en train de créer des chimères homme-animal. Le Daily Mail a dit en 2011 qu'il y avait 150 hybrides comme ça, homme-cheval, greffés des cœurs humains, de fœtus humains sur des rats, des trucs absolument abominables. Et d'ailleurs, il y a un document de la NASA qui s'appelle « The Future is Now » où il demande comment amender la Constitution pour donner des droits à ces humains non humains, quoi. Donc, est-ce que nous sommes déjà, avec tout ça et tout ce qu'on doit contenir, est-ce que nous sommes déjà des hybrides? Est-ce qu'on peut encore stopper tout ça? Qui contrôle ce pouvoir? C'est toutes les questions qu'on se pose, hein. En tout cas, il est évident que la petite fraction de gens qui nous gouvernent veulent, je parle pas de ceux qui sont à la tête de nos gouvernements, les autres là-haut, sont vraiment en train de vouloir confisquer la vie. Toujours Zbigniew disait dans le même livre, une telle société sera dominée par une élite dont la soif de pouvoir politique reposerait sur un savoir-faire scientifique supérieur. Libérée des contraintes des valeurs traditionnelles libérales, cette élite n'hésiterait pas pour arriver à ses fins politiques à utiliser les dernières techniques modernes pour influencer la conduite du public et garder la société sous étroite surveillance. Nous y sommes, hein, pour moi, et d'ailleurs on voit tous, on sait tous que l'étau est en train de se resserrer de partout. Je parle pas des... Enfin, j'ai pas le temps de parler de tout, des techniques de manipulation... de la CIA, du contrôle du cerveau, etc., MK Ultra, le puçage, Obamacare, le fameux plan Obamacare, Obama est devenu le représentant de commerce le plus efficace pour la puce RFID, hein, puisqu'il a dit il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo aussi, hein, je l'ai dit et je le redis, tout le monde va devoir être pucé. C'est une bonne nouvelle. On peut se demander aussi si la pression vaccinale des autorités constamment, c'est pas aussi pour cette raison. Il y a aussi un autre rapport de l'US Air Force 2025 qui s'appelle Hit Them Where It Hurts, qui explique en long et en large la façon d'implanter les manipulations avec les populations avec des capteurs biologiques furtifs et comment court-circuiter la conscience individuelle. Il y a aussi un programme pour les bébés aux États-Unis qui s'appelle « From Womb to Tomb », du ventre à la tombe. Et puis, effectivement, toutes les panoplies d'armes non létales, qui sont les manipulations depuis l'Institut Tavistock jusqu'à « Je suis Charlie », ou « Aylan et les migrants ». On voit bien, si on regarde l'Institut Tavistock, etc., on voit comment ils ont manipulé les opinions publiques depuis bien avant le régime nazi, c'est-à-dire l'Institut Berlin et Tavistock datent d'avant la guerre, donc c'est pas d'aujourd'hui. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous, c'est que dans le DSM-4, qui est le le livre qui comment on dit, qui voilà, qui répertorie toutes les maladies du mental. La dernière qui vient de sortir, c'est le non-conformisme. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, notre futur, pour moi, si on ne fait rien, c'est comme si on disait à un enfant, bah tiens, je te prends par la main, on va traverser, t'as 60% de pas te faire écraser, mais allez, viens, on y va, quoi. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir qu'on se réveille, parce que ce qui se passe, c'est pas une fatalité, c'est un choix d'un petit groupe de puissants, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a une phrase de John Lennon que j'adore, qui me suit depuis très longtemps, qui disait, il y a longtemps, si tout le monde demandait la paix au lieu de demander un écran plat, on aurait la paix. Et je pense qu'elle est très vraie. On est les auteurs de notre histoire. Et donc, Orwell disait aussi, un peuple qui élit des gens corrompus n'est pas victime, il est complice. Et Martin Luther King disait, le moment viendra où le silence est une trahison. Ben, je pense qu'on y est. Donc, je pense qu'on est une seconde infime dans le temps de l'humanité, dans le temps de la Terre, mais notre impact est pour tout le restant du monde, quoi. Donc, faut peut-être se réveiller. Voilà. Et merci Pierre pour...